بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان درس الماضي اخر درس في كل دنيا كوكونا في وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه نعم. وفي كوس اسم اشاره كاريتيل في اسم اشاره هذه لنا مثال حكي مثلا عن اكزامبل. هذه سيارة. طيب on avait dit exercice 3 page 37 et celui d'après et celui d'avant sur la page celui des éléments avec ça tu ah, mettre ça y est قلم هذا قلم ملعقة نعم ملعقة هذا كتاب هذا قميص هذا بيت هذه ساعة هذه سيارة هذا باب هذه رجل هذه دراجة هذه يد هذا الحمد لله يديكم في حبالكم هذا فم هذه قدر هذه قدر هذه مكوى مكوى في المية مكوى النام هذه مكوى هذا طفلي هذه ثلاجة هذا مفتاح هذا مسجد وهذا مجمع. طيب ثلاجة اسم مؤنث نعم مثلث مذكر ها هنا هيا جلس هناك دقيون ها وعليكم السلام. هنا طيب هنا قلنا ثالث نعم حامد طبيب آمنات طبيبة طالب الطب آمنات طالبة هذا هو المثال في الإكزامبل. أصبت حامد طبيب فاطمة طبيبة نعم هي مسلمات نعم قلنا كجم كمون نافذات مغلقات النافذة مغلقة اليد نظيف ونظيفة عافية نعم مؤنث نظيفة الشاي حر القهوة باردة باردة الشاي شي بيش تتعرف ليا ولا في أليف باردة وباردة باردة باردة نعم المدرسة قريبة نعم انت tu viens avec le même qui est dans le مذكر en fait ils ont dit le مسجد بعيد donc tu veux dire مدرسة بعيدة ah tu veux faire ah tu prends le même mot et tu le rends moins neuf المدرسة بعيدة الطالبات مريضة نعم السيارة سريعة نعم الشمس جميلة الأم واقفة جالسة أبيك صح؟ طيب الآن ندخل في الدرس السابع dans le septième cours. Donc il est la suite du cours 6 et là il s'agit de quoi? De ism shara al-muannath lil ba'id. طيب اسم إشارة المؤنث المفردة البعيدة و سي تلك طيب في المؤنث ذلك تلك في المؤنث ذلك طيب première exemple dit من هذه donc là c'est معروف هذه آمنة ثم يقول ومن تلك تلك فاطمة c'est comme si tu disais من هذا هذا زيد ومن ذلك ذلك عمر طيب تلك c'est qui est plus éloigné وعليكم السلام qui est plus éloigné هذه طبيبة وتلك ممرضة طيب هذه طبيبة وتلك ممرضة الممرضة في لا تشامية ممرضة نعم لا تشامية لا تشامية ثم هذه من الهند وتلك من اليابان celle-ci est de l'Inde et l'autre et du Japon. Tu vois. On peut aussi traduire comme ça, tu vois. Pas de mal, si tu dis l'autre, c'est pas trop grave. Ou celle-ci, ou celle-là, ou... Non. هذه طويلة وتلك قصيرة. طويلة, c'est le moins de طويل, qui veut dire grand. Long. En, non, en hauteur. Ou... Non. وتلك قصيرة. Petite, courte. من هذا تقول هذا حامد ومن ذلك ذلك علي ça c'est pour rappeler le masculin et là alhamdoulilah ils ont mis des enfants avec des camis alhamdoulilah ensuite يقول هاً نعم أتلك دجاجة لا تلك بطة طيب c'est pas une poule c'est un canard بطة ça se dit canard بطة c'est un canard et c'est un mot qui est مؤنث même le rajal il s'appelle بطة il y a un nom pour le je connais que بطة moi C'est surtout un moudakar, je ne connais pas. Mais je connais que le mot batta. Il dit, Thumma, il dit, Ma tilk. Tilka baydatun. Bayda, c'est un œuf. Bayda, c'est un œuf. Ensuite, il dit, Hadi sayaratul mudarris, wa tilka sayaratul mudiri. Donc là, on a encore un moudaf, on doit s'y aller. C'est sayaratul mudarrisi. وسيارة المدير وسيارة مؤنث donc tu dis هذه وتلك ensuite tu dis الساعة عباس هذه la première لا هذه ساعة حامد وتلك ساعة عباس donc comme on a dit que حمد الله سبحانه on a une réponse En ifbet ou en nafi, en nam ou la. Zalika dikun wa tilka dajajatun. Voyez. Ceci est un coq et cela est une poule. Ou celle-ci est une poule. Voyez. Yakul ikra wa ktub. Lis les phrases qui sont en dessous. وتلك جامعة نعم ذلك حمار وتلك بقرة في في صح وانا متفتحة في المطلق وتلك بقرة أذلك مسجد تلك مدرسة لا تلك مدرسة ها يا لا لا تلك مدرسة هذا جميل جمل هذا جمل وتلك ناقة. ناقة في الفيمينا دي جمال من شمال. ناقة الله كمان. هذه مدرسة وتلك هذه مدرسة وتلك طالبة. هذا كلب وذلك قط. هذا بيت هذا بيت المؤذن. المؤذن تلك يدان. نعم. هذا بيت المؤذن وتلك حادقة تاجر. حادقة في الجعبة. في بستان تلك. C'est à peu près pareil tous les deux. Moradif, synonyme. La jlis huna, sakina, wazbut. Tayyib? Tayyib? Ah, la tatouba la nafsik. Dabi? Tayyib? طيب ثانيا أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة البعيد ذلك أو تلك. Donc en fonction des mots, s'ils sont masculins ou féminins, tu mets le اسم إشارة qui correspond devant. تفضل. أم. هذه أم. نعم. أب. هذا أب. قلم. هذا قلم. لا يبل البعيد ذلك أو تلك. نعم نعم. فأو كموس أم. تلك أم. ذلك أب. ذلك قلم. تلك ملعقة. تلك عين. حجر. ذلك حجر. نعم مذكر. هي حجرة مثلنا. هي حجرة. في لا ميم ريك. هذا قميص. هذه قدر. هذه نافذة. هذه بقرة. هذا مكتب. هذه نقاة. هذه تلك. نعم. تلك نقاة. ذلك مهندس. ذلك مؤذن. مؤذن. نعم. ذلك مؤذن. تلك ممرضة. ذلك سرير. هذه حابة خطش هنا بقى في مسكنة. لا تدليل لها. تلك حديقة. نعم. تلك طالبة. ذلك جمال. وتلك بحثة. نعم. ثم يقول ثم يقول الكلمات الجديدة يا أخي أنا سجل خطيت صوتي أجيبك الأخرى. الكلمات الجديدة الممرضة on a dit c'est quoi نعم l'infirmière l'aide soignante نعم الحديقة on a dit c'est un jardin البطة on a dit c'est un canard المؤذن c'est celui qui fait l'appel à la salah. الناقة c'est une chamelle c'est le مؤنث de جمل. البيضاء c'est un œuf. Ensuite il fait un خلاصة comme on dit c'est récapitulatif des اسماء إشارة للقريب و اسماء إشارة للبعيد. Donc للقريب مذكر هذا محمد والمؤنث هذه آمنة وللبعيد ذلك حامد للمذكر وتلك زينب للمؤنث. مفهوم؟ donc aujourd'hui on a pris quoi nouveau اسم إشارة qui est تلك. نعم. ندخل في الثامن. ندخل في الثامن. حتى التلف هو قصير. المهم ايضا. الامبورتون. طيب الدرس الثامن. ان شاء الله تدونها محمد عند المراجعه باش كل ميه مراجعه في التدريس اللي فات نصيني على كلكم quand on fait une chose avec quelqu'un c'est comme tu l'as révisé beaucoup beaucoup de fois c'est la façon qui ancre le plus les marloumates les choses que tu as apprises. طيب la meilleure des récompenses elle est dans le meilleur pour nous même si la meilleure des choses c'est d'enseigner comme disait le non خلو كل ما نعمل القرآن ثم علمه. نعم. طيب. donc le huitième درس. donc on a appris quoi auparavant الجملة المفيدة. طيب. c'est une phrase qui a un sens, une phrase complète. et on avait pris quoi المبتدا et le خبر. طيب. مثلا هذا رجل. On avait dit quoi? Que Haza, c'est le Mubtada. Et que le Mubtada, en général, il est Ma'alifa. Voyez? Il est Marfoua. Et le Khabar, souvent, quand c'est un nom seul, il est Nakira. Et il est Marfoua, Kazalik. Donc souvent, par exemple, tu dis Ar-Rajulu Qa'imun. Ar-Rajulu, là, il est Ma'alifa. Ya'alif Wallem. Et Qa'imun, voyez? Il est Nakira. Là. تمام بسم الله ازيك يا اخويا نسيت انا تجيب الزوكا معاك اولاد اهي تمخض ايا زيد ايا ازيك يا اخويا طيب. alors maintenant on va prendre un nouveau truc qui s'appelle el badal. b c'est ba dal lam el badal. طيب ب مفتوح بالفتحة دال بالفتحة لم من دم el badalou. et c'est souvent deux mots qui suivent qui reviennent à un seul mot en fait à la finale. Tu avais la même chose, comme tu vas le voir là maintenant, Inch'Allah. Il y a beaucoup de règles, mais là, on va prendre le, en premier Ismishara, parce qu'il est facile. Mathalan, Nakra al-Nas, on lit le texte, il dit Hadha al-Rajulu Tajirun, wa dhalika al-Rajulu Tabibun. Ismu Tajiri Mahmoudun, wa ismu Tabibi Sa'idun. Hadha al-Baytu lil-Tajiri, wa dhalika al-Baytu lil-Tabibi. بيت التاجر امام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسه. donc on revient au début. regarde ce qu'il dit. il dit هذا الرجل. si on dit هذا الرجل, c'est pas une jumla mufida. tu vois pourquoi? parce que le mubtada c'est هذا et الرجل c'est pas un khabar. il est ma'alifa là. tu vois et là هذا en fait, Rajoul, c'est qui? C'est Hada. On traduirait 7 hommes. Ouais. Tu vois, 7 hommes. Donc, après, donc si tu vois Ism Ishara et après un Ism Ma'alifa, ou Alaykoum Assalam, qui est avec Alif Wallem, sache que tous les deux, tu les mets ensemble. C'est la même chose. Sauf que, dans l'I'rab, dans l'analyse grammaticale, Hada, ça va être le Mubtada, et le nom qui vient après Alif Wallem, on va appeler le Badel, le remplaçant en fait. Tu vois? Ils disent. Comment ils disent que le jour j'ai lu dans le dictionnaire, encore un mot que j'avais oublié, substitutif. Ouais, ils ont comme ça. les mots qui font bien mal à la tête. Ni remplaçant, parce qu'à la base, badel, badéou, c'est remplacer quelque chose. Vous voyez, c'est le fait de remplacer quelque chose. Donc, le khabal il est où? C'est tajiroun. C'est comme si tu disais en fait, hada. تاجرون. Et juste Rajoul, en fait, il précise c'est quoi Hada. Voyez, c'est d'accord. Hada al-Waladou Abdul Qayyum. Cet enfant, c'est Abdul Qayyum. Tu peux dire Hada Abdul Qayyum. Hada Abdul Qayyum, non. Donc c'est important. Si tu vois le Alif Walab qui vient derrière un Ism Ishara, l'origine c'est que c'est un Badel qui revient à ce Ism Ishara. C'est lui. Mais le badel, comme j'ai dit, il y a d'autres portes plus larges. Donc quand on dit Hada Rajulu Tajirun, Hada Mubtada. Rajulu Badel. Et le badel également, point important, qu'on va Mimbab El Faïda, il prend la même haraka que celui qui représente. Donc à la base, Hada, c'est Mubtada. Donc c'est quoi? Il est mafou à la base. Sauf que lui, comme tu disais, il est invariable, il est même dit. Sa fin ne change pas, il reste toujours comme ça. Mais à la base, c'était un autre mot, il aurait une Dhamma. Donc un Rajulu, il prend une Dhamma pareil. Vous voyez, il prend une Dhamma comme lui pareil. Donc, Hada, c'est comme on a dit, c'est Mubtada. Ar-Rajulu, c'est Badel. Et Tajirun, c'est le Khabar. Vous voyez, Tajirun, c'est le Khabar. Wa, on a dit Atf. Wa Zalika, pareil, Mubtada. Ar-Rajulu, Badel. Tabibun. On a dit Mubtada, c'est Marfou. À la base, il est Marfou. D'ailleurs, ils prennent Dhamma. Il y a des mots qui ne prennent pas de Dhamma. مرفوعة ولا مرفوعة؟ مرفوع. Que je dis, des fois je me trompe avec Ma'arifa et Marfou. لا لا مرفوع. مرفوع. ميم راء فاء واو عين مرفوع. De رفع يرفع le fait de lever quelque chose. Ensuite deuxième exemple qui donne du badel. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. Bah pareil, هذا هنا c'est المبتدا. البيت بدل. Et للتاجر là on a un جار et un مجرور. Et si tu nous demandes juste si tu nous demandes par exemple en disant pour demain tu nous dis faites l'analyse grammaticale de ça comme hier, là on mettra هذا مبتدا et بيت البيت بدل نعم. C'est tout. Et ce qui vient après, ça reste rabat. Ça reste rabat en général. On peut ajouter d'autres choses qu'on n'a pas encore appris. D'accord. Mais là, actuellement, à notre stade, c'est le rabat qui est venu. Wa alaykoum assalam. Al-an, al-tasi'a wa thuluth. Naam. Eh, la taktoub bala nafsik. Ah? Mafoum? Tabi. Naam. Donc on revient, on disait, هذا البيت للتاجر. Alors للتاجر là on a حرف جر لي للملك. طيب تاجر اسم مجرور ب par quoi par لم. Et للتاجر c'est le خبر. Ensemble ils font le خبر. وذلك البيت للطبيب. Là c'est pareil. ذلك مبتدا البيت بدل de ذلك ولي حرف جر Tabibi, ism majrour, et tous les deux, ils sont le khabar de Zalika. Vous voyez, ils sont le khabar du Mubtada qui est Zalika. Ensuite, il vient avec d'autres questions. Il dit Liman hazihi as-sayyaratu wa liman tilk. Fala ilu al-badal. Liman hazihi as-sayyaratu. ولمن تلك سيارة. أيوة ألف ولم أبقى هذه إن شاء الله حتى أنت تستفيد. طيب donc pour qui est cette voiture tu vois parce que sinon on enlève hadith comme on dirait لمن السيارة à qui est la voiture mais là avec هذا et après اسم ألف ألف ولم tu précises cette chose là en elle-même. Allez. Pour qui est, à qui est cette voiture en elle-même. Si tu enlèves Hadha, tu dis à qui est la voiture. Et si tu enlèves Sayyara, Liman Hadha Ahadi, c'est à qui ça, en fait. Et là, tu précises plus à qui est cette voiture en elle-même. Ensuite, la réponse Hadi est Sayyaratu li Tabibi wa Tilka li Tajiri. Cette voiture est au médecin et l'autre, et celle-là, est au commerçant. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Cette voiture est du Japon et celle-là est d'Amérique. Voyez, et celle-là est d'Amérique. Donc c'est pareil. هذه c'est un مبتدأ. السيارة بدل من حرف الجر الياباني Ism majrur bi min. Et tous les deux sont khabar de hadihi. Wa atf. Et les jar majrur tous les deux, min al yaban, ils sont khabar de hadihi. Min al yaban. Aywa, de hadihi. Waw atf tilka mubtada min harf jar. Et America ism majrur, mais il a un règle spécial, donc on ne voit pas de kasra, ça viendra après. Et tous les deux, jar ou majour, ils sont au khabar de tilk. Tayyib, il dit Ajib an asilatil atiya. Je vous pose des questions à répondre, je pense qu'elles sont par rapport. Naam, c'est par rapport au texte. Wa alaykoum assalam. Donc tu les feras, Inch'Allah, à la maison. Tayyib, al-an il dit ikra wa ktoub. طيب لي سي فراز et à chaque fois tu me dis il est où le badal, c'est tout juste le badal, je veux, je l'ai dit pas la phrase, tu lis la phrase et après tu me dis le badal il est où, s'il y en a un ou deux ou trois ou quatre. هذا الولد خالد خالد وذلك الولد محمد. نعم الولد الولد. نعم هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس مهندس الرجل الرجل نعم tous les deux. هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. نعم نعم الكتاب الكتاب نعم les deux الكتاب sont بدل de هذا وذلك. نعم هذه السيارة عليين لعليين وتلك لخالد. نعم alors là c'est le premier de سيارة. نعم c'est tout mais la كفل السيارة. نعم خامس هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. نعم cette porte est ouverte et l'autre et celle-là est fermé. Al-babu. Naam, al-babu, c'est le badal. Les deux, al-babu, c'est le badal. Liman hadhihi as-sa'atu? As-sa'atu? Naam. Hiya li'Abbas. Naam. À qui est cette montre? Elle est à Abbas. Donc, le badal, il est as-sa'atu. Naam. Ahad al-baytu li'tabibi. نعم لا هو للمدرس. نعم هل هذه maison est-ce que cette maison est au médecin? Non, elle est au professeur, à l'enseignant. نعم فامن يتم هذه دراجة لابن ايوه لابن. Comme on a dit, donc quand tu lis comme ça, la liaison, le hafza tu le lis pas. Libni. Libni le mu'addin. Libni le mu'addin. Mu'addin. Naam. Est-ce que ce vélo est au fils du mu'addin? Naam. Tasian. Man hadha al-waladu huwa at-talibun. Min al-sin. Non, en fait là c'est pas la liaison. Là c'est la fatha sur le noun par rapport à la rencontre des deux lettres sakin. Tu dis min al-sin. Vous voyez, mais le a dans mina, c'est pas le hamza qui vient derrière. En fait c'est la fatha qu'on met sur le noun. Vous voyez. Donc là le premier c'est al-waladu. Non. Et le deuxième c'est talibun. Là, il n'y a pas de badel dans le deuxième. C'est un khabar, directement. Ah oui. Il n'y a pas de badel. Donc, qui est cet enfant? Tu dis, c'est un étudiant de la Chine. De Chine. Naam. Ah, Achir. Naam. Donc, il est où le badel, là? Naam. Est-ce que cette maison est nouvelle ou neuve? Enfin, on va dire nouvelle, on dit pas une maison neuve. Cette maison est nouvelle? Non, elle est ancienne. Très ancienne, plutôt. Jidden. Très ancienne. وتلك من أمريكا. نعم. يا سكون سولمينوس. وثا. أمريكا ولا أمريكا. أمريكا. سكون تكون السيارة نعم طيب cette voiture est du Japon et celle-là est d'Amérique هه لا تبود هذا السكين هذا نعم هذا السكين من ألمانيا ألمانيا الألمان من ألمانيا وتلك الملعقات وتلك الملعقات من إنكريتارا Ça veut dire l'Angleterre. Mais en général, ils disent Britannia. Tu vois, des fois, ils disent Inkratara ou Akaza Akaza. Mais plus souvent, tu vas voir, c'est Britannia. Ouais, parce qu'il est un peu. Ouais, il est un petit peu tiré par les cheveux, celui-là. Ah ouais. Le plus fréquent, c'est Britannia. Donc, il est où là, le badel ? Sikino. Nam. Et. El Milarapat. Nam. Donc, ce couteau est d'Allemagne. Et cette. Cuillère et d'Angleterre. طيب. Il dit اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله. مثلا, on a des exemples là. Il veut que tu prennes la première phrase, tu la fasses suivre l'exemple de la phrase qui est derrière. Par exemple, ils disent هذا كتاب. Donc là, on a un mutada ou un khabar. Il veut que tu fasses هذا الكتاب لمحمد. Il veut que tu rendes ce qui était khabar avant. Tu mets badal et tu viens avec un nouveau khabar. Vous voyez? Donc. Et juste Inkaltera, c'est an à la fin ou a? Hein? La fin c'est an ou a? Inkaltera. Ara. Est-ce que je vois qu'il y a le L? Ah oui, Inkaltera. Comme Allemagne, Amérique, France, Indonésie, etc. Vous voyez? Haza Tobibun. Comment tu dis? Maintenant tu mets Tobib, tu mets badal. La fonda. Comment tu vas faire? Comment tu fais maintenant? Aza Tabibun. On veut que tu mettes Tabib Badel. Et Minel Hin, c'est lui qui va être Khabar. Ah, c'est ça, c'est dans la même phrase. Là, c'est la première. Et la première, maintenant, tu l'as changée et la rentrée ici. Regarde le premier. C'était quoi? هذا كتاب هذا الطبيب من الهند ايوه هذا الطبيب من الهند اشفك في المتر تكون مليون نو نو نو جوست كوم سا اه ايش كوم سا جو دون ايتي بي ليا خذوا ليا نعم للمدير هذه سيارة للمدير نعم هذه السيارة للمدير ذلك الولاد لي لا بروميير انسيت لي لا دوزيام لي لا بروميير دوريجين تل كيل ذلك الولاد جيس هنا يلا تجي ايه هنا ذلك الولاد ابن يا بد مد في الولد يبا ولاد ولد ذلك الولد ابن ذلك الولد ابن المدرس نعم تلك ساعات تلك الساعات كما تجي تلك الساعات الساعات من من من سويدية من ها اجيتك الو من سويدي من سويسرا فوكس يا سويس سويسرا ماما نعم اجيتك الو ماما تلك الساعة من سويسرا نعم معلوم في مونتر سويس هذا البيت للمهندس هذا قلم نعم هذا القلم لعباس ذلك الرجل مؤذن نعم هذه بيضات هذه البيضات كبيرة هذه البيضات هذه البيضات كبيرة نعم cet œuf est grand ou gros هذا منديل هذا المنديل واسخ نعم هذا المنديل واسخ نعم هذه حقيبة هذه حقيبة للمدرس نعم طيب compris. Rabihan, ikra le misal al-ati suma kawin asilatan ou ajwibatan mislahu. Là t'as des phrases, il veut que tu les transformes en questions puis réponses. Mathalan, il t'a mis l'image d'un livre. Faut que tu dises liman haza al-kitabu. Ça, ça c'est la question. La réponse, haza al-kitabu li Muhammadin. Vous voyez, donc tu prends le nom qui est entre parenthèses derrière. Et tu te sers de l'image qui est devant. Première phrase, nous avons qalam. Ash taqul? Liman hadha al-qalam? Naam. Hadha al-qalam li Abbas. Naam. A qui est ce stylo? Ce stylo est à Abbas. Thumma hadana miftah. Liman hadha al-miftah? Naam. Hadha al-miftah li Ali. Naam. A qui est cette clé? Cette clé est à Ali. Liman hadhihi as-sayyarah? Hadhihi as-sayyarah نعم. À qui est cette voiture? Cette voiture est au directeur. لمن هذه البقرة؟ هذه البقرة للفلاح. نعم. À qui est cette vache? Cette vache est au paysan. لمن هذه الحقيبة؟ هذه الحقيبة للمدرس. نعم. لمن هذا الكرسي؟ نعم. هذا الكرسي لعمار. À qui cette chaise? Cette chaise est à Ammar. لمن هذه الدجاجة؟ لمن هذه الدجاجة؟ ها؟ أيوة. لمن هذه الدجاجة؟ لمن هذه دجاجة؟ أعرف يا عمد. لمن هذه الدجاجة؟ هذه الدجاجة؟ لبنت الفلاح. نعم. À qui cette poule? Cette poule est à la fille du paysan. لمن هذه الساعة؟ نعم. لمن هذه الساعة؟ هذه الساعة لابن المدير. À qui est cette montre? Wa alaykoum assalam. Cette montre est au fils du directeur. لمن هذا البيت؟ نعم. هذا البيت للطبيب. نعم. À qui est cette maison? Cette maison est au médecin. لمن هذه الملعقة؟ هذه الملعقة للطالب. نعم. طيب. Maintenant, Khamisan dit تأمل الأمثلة الآتية. Médite sur les exemples suivants. Là, on va voir qu'il y a des mots qui finissent en alif. طيب. La fin du mot, c'est un alif. طيب. Un alif. Et ces mots-là, et le alif, c'est un harf لازم سكون. C'est un harf qui ne prend pas de haraka. Tout en sukun. طيب. Tu ne verras pas un alif avec une fatha ou avec une dhamma ou avec une kasra. Jamais. طيب. Donc ces mots qui finissent en alif, comment on définit leur fin? Tu vois, comment on la définit? Si un harf ajar qui vient derrière, si c'est un mutada, ou si c'est un ism mansouf, c'est-à-dire un qui prend une fatha, comment on fait? Eh bien, c'est sous-entendu, ça se devine par rapport à ce qui vient devant. Mais en tout cas, en apparence, il n'y a rien à écrire devant. Il n'y a rien à écrire. Mais il prend quand même le jugement de ce qui vient devant lui, mais il ne s'écrit pas, ça n'apparaît pas. Par exemple, El Beitou. El Beitou, ma figé. Adi, c'est normal. Fil Beiti, avec Harfojar. Min El Beiti, Harfojar. Il est El Beiti, Harfojar. Maintenant, il dit El Moustachfa. Moustachfa, c'est l'hôpital. طيب مستشفى نعم مستشفى وقال على فين ولا سو أليف سأقول أليف مكسور هكذا هات القلم سأكتب هكذا أليف مكسور طيب ألف مكسور إيه أنا أدرس وأنت تلعب من أولى بالقلم من أنا ألف مكسور طيب قموسة عيسى سين ألف كلا فم نيا طيب سين ألف كلا فم نيا Donc, ce nom qui est un alif maqsour à la fin, par exemple, ils disent fi al-mustashfa. Comment tu fais à ce moment-là? Tu dis fi al-mustashfa'i? Là, tu peux pas. Tu dis al-mustashfa'u? Tu peux pas. Donc, fi, c'est ism majrour. Voyez, seulement la kasra, elle est sous-entendue. Ça viendra après. Donc, tu ne l'écris pas. Mais il est quand même majrour. Pourquoi? Parce qu'il y a fi qui est devenu devant. Vous voyez? Et comment on dit cette expression, Inch'Allah, ça viendra plus tard. Pour pas en faire trop, tu vois, maintenant. Sache que, en tout cas, ce nom qui a Alif Maksour à la fin, il ne prend pas de halaka. De quoi qu'on verra plus tard, tu dis? Comment on dit la phrase authentique à dire, par exemple, quand il y a un nom comme ça qui vient, ouais. Et Arfajal devant lui, comment on explique? Il y a une formule spéciale, tu vois, mais on l'apprendra plus tard, Inch'Allah. Donc, ces mots-là, tu n'écris pas de haraka. N'empêche qu'il reste majrour. Fi al-mustashfa ada ismun majrour bi fi. Seulement la kasra, on ne la voit pas. Vous voyez, on ne la voit pas parce que le alif n'accepte aucune kasra. Aucune fatha, aucune dhamma. Il est sakin. Vous voyez, sakin. Tout en sukun. Après, il dit min al-mustashfa. C'est la même chose. Et il dit ila al-mustashfa. C'est la même chose. Pareil, America, fi America, min America, il est America, Allemagne, d'accord, fi Allemagne, min Allemagne, il est Allemagne. Ils ont tous le même jugement. Nef hukm. Voyez, nef hukm. Ils ne prennent pas de haraka. Donc, si tu vois ces mots-là, te casse pas la tête à écrire un haraka, il n'accepte pas. Ça y est, Ikra ou Aktoub, lis les phrases qui sont là. Hada tabibu min. Nkritara. Nkritara. Nkritara ou plutôt un âme. Dis Britannia, là, te casse pas la tête. Dis Britannia. Nkel. Hein? Nkel. Inkaltara. Inkaltara, nam. Donc, le tabibu min Inkaltara. Ce médecin est d'Angleterre. Dahaba Hamidun. Ila. Faransa. Ila Faransa. Hamidun, c'est quoi Hamidun dans la phrase? C'est un quoi? Mubtada. Dahaba Hamidun. L'autre c'est. Et celui-là, c'est Fa'il. Ahsan, c'est un verbe et un sujet. Hamidoun, là, c'est un Fa'il. Ouais. C'est-à-dire, Hamid est parti en France. Ouais. Ou est allé en France. Miskin. Hamid, reviens, va pas là-bas. Thalithan. Mahmoudun. Maridun. Nam. Huwa l'ana fil mustashfa. Mahmoud est malade et il est actuellement, voyez, à l'hôpital. Actuellement, maintenant, mais là dans la phrase on dirait plus actuellement. El-Aim, c'est maintenant. Ça veut dire maintenant. Rabian. Zahaba Abdullah. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. نعم. maintenant il est où le fa'il? Il est où le sujet? Attention. فعل ذهب. نعم فعل ذهب. فاعل عبد الله. لا. عبد. C'est tout. Il est مضاف. Et l'offre jalala مضاف إليه. Le fa'il c'est عبد seulement. طيب. Parce que c'est un assemblage de deux noms et le fa'il est un nom tout seul à chaque fois. Comme Moubtada, c'est un nom tout seul. Voyez. Khamithan. هذا الكتاب. هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى. نعم. Ce livre est à Issa et celui-là est à Moussa. Donc Issa et Moussa, ils prennent le même jugement que les noms précédents. Parce que leur fin, c'est quoi? C'est un alif. Eh! تعالوا هناك. يا سبا يا ثالث ما ثالث موسى عيسى سبا يا ثالث ثالث ايوه موسى دي بقى موسى ouais mais pour il est comme ça hein, ça s'appelle alif maksour. Son apparence c'est l'apparence d'un ya mais c'est un alif. Salis, sixièmement. Non, cet ingénieur est d'Amérique. Elle est pratique cette règle-là. Hein? Elle est tranquille cette règle-là. Non, elle est importante aussi. N'oublie pas. Voyez. Pour finir, il dit Ikora. Donc tu lis là, les phrases et là maintenant il va faire quoi? Il va te proposer des kalimettes, des nouveaux mots qui s'appellent, comme on l'avait dit auparavant. وعليكم السلام ورحمة الله. الظرف ظرف الظرف à la base وعليكم السلام littéralement c'est un mot qui définit une chose qui contient ça peut être une enveloppe, une chose qui accepte une chose à l'intérieur, qui enferme quelque chose. Un ظرف c'est une chose qui enferme autre chose en elle. Souvent, quand tu vas dire ver, ça va être par exemple une enveloppe. Vous voyez ? Et là, point de vue langue arabe, c'est. Ils disent un adverbe ou de lieu ou de temps. C'est un mot qui définit le temps ou le lieu. Vous voyez ? C'est un mot qui définit le lieu ou le temps. Par exemple, il dit. As-sabouratu amama. At-talibi wa hiya khalf al-mudarrisi. طيب donc là ça voudrait dire le tableau طيب est devant. Alors ici c'est qui définit un lieu ou un temps, adverbe de lieu ou de temps comme eux ils disent. Zarf zaman ou zarf makan. Zarf zaman, c'est pour le temps. Et zarf mekan, c'est pour le lieu. Et on en a déjà pris certains. La taktoub al-jidar, salahakallah. Ta'al. Ta'aluna. Zarf mekanin. Aywa, ou zarf zamanin. Ma fi yomai. Aya. زمانين نعم زي ميم ألف زمان إيش هو يسكي aussi sans ألف زمان ها هو يسكي aussi sans il accepte يسكي sans ألف نعم زمان de l'avoir déjà vu aussi sans ألف نعم طيب donc نعيد الجملة. السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. Donc on a le شاهد qui nous intéresse. Le شاهد comme on dit c'est أمام. Donc أمام شاهد c'est la partie qui nous intéresse dans une phrase. Par exemple quelqu'un avec une parole longue, après il dit shahid, c'est-à-dire la partie de tout ce que je viens de dire là, en fait le but visé de ma parole c'est telle chose. C'est pas le même mot que shahid, c'est pas pareil. T'as aussi shahid, ça peut être un témoin. Il sait que c'est pas pareil. Et t'as aussi shahid, celui qui est mort martyr. Tu vois. Ils s'écrivent pas de la même manière les trois. Là, le shahid, le martyr c'est shahid. Okay. Avec un. Et l'autre c'est shahid. Celui-là ? Allez, ouais. Shahid. Et shahid. C'est quoi ? L'autre c'est Shahid. C'est quoi, comment il s'écrit? Shahid. De la même manière. Non. Okay. Donc le Shahid de cette phrase c'est Amama et Khalfa. Donc ça veut dire quoi? Le tableau est devant le Talib et il est derrière le Mudarris. Donc regarde, Amam ça définit quoi? Un lieu. Devant. Et Khalfa ça définit quoi? Un lieu. Derrière. Vous voyez? D'accord. Par exemple, quand ils disent, là c'est suivant ce que As-sabura tu amam al-talibi. Naam. Wa huwa khalfu qui? Wa khalfa. Ou le seyyara. Wa hiya. Ah ok. Donc ça veut dire quoi hiya? Sabura. Mais si ça avait été masculin, comment tu sais si c'est pas bah, tu, ça, le domaine il y a forcément un nom qui s'accorde avec lui en nom en genre. Mais si les deux ils sont masculins, ça gagne. Comment ça? Mystère. Eh bien, tu as dit, Al-Miftahu Amam Talibi, Wahua Khalfa Mudarrisi. Et qui, Wahua Talib ou Al-Miftah? Ça vient au Mutada, les deux sont Mutada, donc ça vient à la même chose. Le ouvreur viendra à quoi? Au Biftah. Ah, il ne viendra pas à Palais. Là. Il viendra au Biftah. Ça, c'est comme ça, c'est oublié. Dans le sens de la phrase, tu comprends ce que ça veut dire. Donc là, Amam, wa Khalfa, Ei. Eh. C'est Zarf Zaman, dans le Mekan. Le Zarf, on va prendre maintenant il est Mansoub. Ça veut dire quoi Mansoub? Ça veut dire qu'il a une fatha à la fin. On a pris Marfour. C'est quoi? Ça c'est que ce soit de lieu ou de temps. Non. Regarde, on a pris Marfour. Marfour c'est quoi? Kendamma. On a pris Majrour. Majrour c'est quoi? Une kasra. Ben maintenant on a pris le troisième. Mansoub, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une fatha. Il n'en manque plus qu'un seul, après on a pris les quatre. Non. Si, il en manque un quatrième, il viendra après. Il est juste pour les verbes. C'est quoi, dis-moi? Majzoum. C'est quoi? Ça viendra après. C'est pour les verbes. Que oui, La soukoun. Ah ouais. La soukoun. Ah, par contre, la soukoun. Chez nous, quoi. Mais c'est juste pour les verbes, ça viendra plus tard, ça, Majzoum. Okay. Inch'Allah. Eh! Tal. Y'a Mohamed Amsiko, lui. Amsiko. La taroche, bah, Yaoud. أمسكه. لكن تبي وزكي العروس العجلي لا ما أدري. إيه كنت تسي كنت عندي مجرور مثلا. جري كلو. تبرسيس فا كا. تبرسيس فا تنوين وسان تنوين. لا. في تو كنت تلوى. أيوة. سأحط تنوين أو تنوين. أوكي. إذن تدي رجلا. أو رجلين مرسوب. الاثنين مرسوب. مرسوب. طيب. Donc là, on revient, regarde, « As-saburatu amam al-talibi ». Il est où, l'umtada? Ils sont majrour. Hein? L'umtada, il est où? « As-saburatu ». Taïeb. Et le khabar, c'est « amam al-talibi ». Ensemble. C'est comme « Mohamed fil bayt ». C'est pareil. Ça prend le même jugement que le « jar » ou « harf jar ». Le khabar, c'est « amam al-talibi ». Les deux ensemble. En haut, on a pris Mohamedun Maridun, Wawa El-En, si Moustache Fafa El-En, c'est un zarf aussi. Un zarf de même, maintenant. Mais il fait pas un majoro. Non, il est bon sous. Comment ça? Là, MM, c'est Harf Ujjar en même temps, non? Là, c'est pas, c'est un zarf. C'est un nom, c'est un ism. C'est pas Harf. Mais regarde Talibi après. Il est Bouddha Filei. Ouais, mais celui-là, il est bien Hafoujar, non? Non. C'est un nom, mais c'est un Moudof, Moudof il est. Comme Baytou Mohammedin, Amam et Talibi. Amam, c'est Moudof, et Talibi, Moudof il est. C'est pas un Hafoujar. Non, mais il rend quand même Moksar, non, derrière lui. Parce que c'est un Moudof. Rasulullah, Allah, il y a un Hafoujar devant. Il y a quoi devant? Un Moudof. Et le Moudof il est, majeur. Talibi, Moudof il est. C'est pas un harf jar, c'est un moudof, c'est un moudof ilay. Okay. Et le zarf, c'est un ism, c'est pas un harf. C'est un ism, c'est pas un harf. Ce que tu peux dire, min amami, ou min khalfi, c'est un ism, c'est pas un harf. Okay. Le harf jar peut rentrer sur le zarf. Tu vois, il peut rentrer dessus. Taïeb. Deuxièmement, il dit Aina Sayyaratul Mudarrisi. Où est la voiture de l'enseignant? Hiya Amama Madrasati. Elle est devant l'école. Vous voyez, là, il est où le zarf? Amama. Et ça veut dire que Talibi, il est Mudaf ilay. Il est Mudaf ilay. Et Amama, on dit qu'on dit. Mudaf. On dit Mudaf. Mudaf. On dit pas. D'accord, ça y est. Là, c'est un Mudaf. C'est bon. Et les deux, c'est Sabah. Non, mais les deux ensemble, ils font khabar. T'as compris? C'est bon. Enfin, hiya, là, c'est mumtada. Wa amam, mudaf, c'est un zarf, c'est un mudaf. Madrasa, mudaf, il est. Et tous les deux ensemble, ils sont khabar. Aina baytul imami. Taïeb. Baytul imami, khalfa al-masjidi. Donc bait, là il est mubtada et mudaf. Al-imami, mudaf ilay. Khalfa, zarf et mudaf. Masjidi, mudaf ilayhi. Wa khalfa al masjidi ensemble sont le khabar de bait. Mafoum? Naam. Rabihan. Aina jalasa hamidun. Jalasa khalfa mahmoudin. Voyez, enfin, Jalassa là c'est un firmandi. Son sujet, son fa'il, c'est un, on a, ça va bien, Inch'Allah, ça s'appelle un damir moustachir. C'est un, il est sous-entendu, dissimulé. Il revient à qui? Il revient à Hamid, la phrase qui est devant. Voyez, Khalfa, c'est un zarf. Et il est mudaf, et Mahmoud, mudaf ilay. Mais là, c'est pas un khabar. Pourquoi? Parce que la phrase commence par un verbe. Là, il n'y a pas de mutada. Il n'y a pas de mutada dans cette phrase-là. Non, c'est pas de mutada. Là, on a un verbe, et un sujet. C'est mais plus. Entendu. De quoi? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Jalassa, c'est ça? Jalassa, ouah! Voilà. Donc il n'y a pas de mutada. On a un verbe, un sujet. Ça, ça veut dire. Ça s'appelle jumla ismiya ou un jumla fi'aliya. Jumla ismiya, c'est une jumla qui commence par un nom, un mutada. Et jumla fi'aliya, c'est une phrase qui commence par un verbe. Ok. Vous voyez? Donc là, il s'appelle comment? Khalfal Muhammadin, c'est quoi? C'est un dorf, c'est tout. Hein? C'est un dorf. Et mudaf. Et Mazdili, Mudaf Ilay, c'est tout. On ne dit pas que c'est un khabar, parce qu'il n'y a pas de mutada. Le khabar, il vient que si tu trouves un mutada. Okay. Vous voyez? Et ce n'est pas toute phrase, Mufida, les sakul jumla Mufida, qui contient un mutada khabar. Des fois, ça peut être un fi'l, un fa'il. Tu dis par exemple, Ja'a Muhammadun. Muhammad est venu. C'est une jumla qui a un sens ou pas? C'est une jumla qui a un sens. Elle a un sens ou pas cette phrase-là? Elle est complète ou pas? Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mutada, pas de khabar. Tu vois, c'est ça, ça va venir, Inch'Allah. Le jumla ismiya ou le fi'aliya. Ça va venir. On peut finir. Zahaba Ammarun il est masjidi, wa jalasa amam al-mihrab. Donc, Zahaba, ça c'est un fi'al. Ça y est. Ammarun, fa'il. Il est, harf al-jar. Al-masjidi, ism majrur par ila. Wa harf al-atf. Ça y est. Jalasa, c'est un autre fi'al. C'est un verbe. Et là, par exemple, là, sa place, on dit quoi? On dit juste fi'al. Qui? Un fi'al, c'est tout. Tu me demandes un fi'al. Je dis pas mutada. Le mutada, c'est que un ism, c'est pas un fi'al. Vous voyez? Ça, c'est un fi'al. Oh, c'est une dino, quoi. Donc, amama, c'est un zarf. Et le mudaf, el mihrab, c'est mudaf ilayhi. Mihrab, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les. Dans la niche, là. Ah ouais, dans le masjid, ça c'est bida, tu vois. Ah. C'est pour qu'il y ait un écho, que la voix revienne d'après eux, mais le Nabi Sallam il l'a pas fait, tu vois. C'est une chose nouvelle. Si tu veux entendre la voix, t'as qu'à venir au des premiers rangs. Par exemple. Et aujourd'hui, on a des micros, avec des basses, tu vois. On croit que c'est un Rahman, mais c'est pas un Rahman. Hein? C'est un Rahman. En tout cas, c'est pas un truc qui est. Personne à venir en avant. Ça fait pas partie de la Sunna. C'est quand ça fait une semaine que t'entends pas la voix de lui-même, que t'es obligé de suivre les gens sans micro, bah, ça te pousse à venir au premier rang. Non. Le micro, c'est pas. Aïda. Donc c'est compris. Donc aujourd'hui on a appris quoi? On a appris depuis le DAF Sahabir, on a appris un nouveau Ismishara, c'est le Mouanas al-Ba'id, c'est Tilka. Tilka. Et dans le DAF Sahamin, on a appris quoi? On a appris le Badal. Quand Ism Ma'alifa il vient après Ismishara, avec Ali Al-Fouem. Haza al-Rajulu Tabibun. Cet homme est un Tabib. Et on a appris quoi aussi? Zarf. Ça y est? Comme ils disent, adverbe de lieu. Ou adverbe de temps. Ça y est? Par exemple, Amahama, c'est devant. Khalfa, c'est derrière. Et souvent, le Zarf, il est Moudaf. Très souvent, il est Moudaf. Ça y est? Et après, Aïb. Je sais pas. Ça y est? Donc voilà. Donc pour les nouveaux mots, on a appris aussi le nom. Qui a un alif maksour, qui a un alif à la fin, qui n'accepte pas les harakas. Il est sakin également. Mohamed, il a raté beaucoup de choses aujourd'hui. Inch'Allah, tu vas lui donner. Ça y est? Je reviens en ligne. Hein? Je reviens en ligne. T'as pas d'ordinateur? Hein? T'as pas un MP3 ou un ordinateur? Si, j'avais pas enregistré. Mais si tu veux, moi, je peux te passer ce cours là. Ok. Si tu veux. De toute façon, je les ai tous à la base. Ça y est. Donc, les nouveaux mots, El Moustachfa, c'est l'hôpital. Ou aller comme ça. Almania, l'Allemagne. Ikritara, c'est l'Angleterre. C'est avec la fatha. C'est avec un alif. C'est quoi, j'ai redit? Ikritara. Dis Britannia. Britannia. Que tu dis que le temps là, parce qu'il y a des gens, ils vont te regarder bizarrement, tu vois. Non, c'est juste vraiment pour moi, Incantara. Suisse, ça c'est la Suisse. Sikkim, c'est le couteau. Faransa, c'est la France. Amman, c'est devant. Et Khalf, c'est derrière. Vous voyez ma faute. Fa ilahuna, walhamdulillahi rabbil alamin.